Quelques jours après, un soir, dans le boudoir de Marguerite. Entrez, Prudence, entrez! Vous avez vu le duc? Oui. Il vous a donné? Voici l'argent. Oh, pouvez-vous me prêter 300 ou 400 francs? Mais oui, prenez. Vous avez dit au duc que j'ai l'intention d'aller à la campagne? Oui. Qu'a-t-il répondu? Que vous avez raison, que ça ne peut vous faire que du bien. Et vous irez? Je l'espère. J'ai encore visité la maison aujourd'hui. Combien veut-on la louer? Oh, 4 000 francs. Oh, ah, ça c'est de l'amour, ma chère. J'en ai peur. Il est venu hier. Vous le demandez? Et il revient ce soir? Mais oui, je l'attends. Mais je le sais. Il est resté 3 ou 4 heures à la maison. Il vous a parlé de moi? Mais de quoi voulez-vous qu'il me parle? Que vous a-t-il dit? Qu'il vous aime, parbleu. Ah. Prudence, il y a longtemps que vous le connaissez? Oui. Vous l'avez vu amoureux, parfois? À jamais. Jamais, sérieusement? Sérieusement? Votre parole? Mais ma parole! Ah, quel malheur que des gens comme ceux-là n'aient pas 100 000 livres de rente. Oh, quel bonheur, au contraire. Au moins, ils sont sûrs que c'est eux qu'on aime. Tenez-vous, sentez-vous. Quoi? Vous ne sentez pas comme le cœur me bat? Mais pourquoi le cœur vous bat-il? Parce qu'il est 10 heures et qu'il va venir. C'est à ce point-là? Oh, je me sauve! Donc, si ça se gagnait... Nanine! Madame. Nanine, va ouvrir, on a sonné. On n'a pas sonné, mais madame. Si, mais je te dis qu'on a sonné, va ouvrir, va vite. Ma chère, je vais prier pour vous. Parce que? Parce que vous êtes en danger. Peut-être. Marguerite! Eh bien, vous ne me dites pas bonsoir, un bras. Pardon, ma chère Prudence, vous allez bien? Oh, il est temps. Mes enfants, je vous laisse. J'ai un petit jeune homme qui m'attend chez moi. Adieu! Tu m'aimes toujours autant? 1000 fois plus. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai été voir Prudence, Gustave et Michel. J'ai aidé partout où l'on pouvait parler de Marguerite. Et ce soir? Mon père m'avait écrit qu'il m'attendait à Tours. Je lui ai répondu qu'il peut cesser de m'attendre. Est-ce que je suis en train d'aller à Tours? Il ne faut pas te brouiller avec ton père, mon ami. Non, il n'y a pas de danger. Et vous? Qu'avez-vous fait? Dites. Moi? J'ai pensé à toi. Bien vrai. Bien vrai. J'ai formé de beaux projets. Vraiment? Compte-les-moi. Plus tard. Pourquoi plus tard? Oh, tu ne m'aimes peut-être pas encore assez. Quand ils seront réalisables, il sera bien temps de te les dire. Sache seulement que c'est de toi que je m'occupe. De moi? Oui, de toi. De toi que j'aime trop. Oh, dis-moi ce que c'est. Voyons, dis-le-moi. Est-ce que je peux te cacher quelque chose? J'écoute. Eh bien, voilà. J'ai trouvé une combinaison. Quelle combinaison? Je ne puis te dire que les résultats qu'elle doit avoir. Et quels résultats aura-t-elle? Serais-tu heureux de passer l'été avec moi à la campagne? Tu le demandes. Eh bien, si ma combinaison réussit, elle réussira. Dans 15 jours, je serai libre, je ne devrai plus rien à personne, et nous irons passer l'été ensemble, à la campagne. Et tu ne peux pas me dire par quel moyen? Non. Et c'est toi seule qui as trouvé cette combinaison, Marguerite? Comme tu me dis cela... Réponds-moi. Eh bien oui, c'est moi seule. Et c'est toi seule qui l'exécutera? mais oui, c'est moi seule. Avez-vous lu Manon Lescaut, Marguerite? Oui. Estimez-vous des Grieux? Pourquoi cette question? C'est qu'il y a un moment où Manon, elle aussi, a trouvé une combinaison. Qui est de se faire donner de l'argent par Monsieur de Brétigny et de le dépenser avec des Grieux. Marguerite, vous avez plus de cœur qu'elle. Et moi, j'ai plus de loyauté que lui. Ce qui veut dire? Que si votre combinaison est dans le genre de celle-là, je ne l'accepte pas. C'est bien, mon ami. N'en parlons plus. Il a fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, très beau. Il y avait beaucoup de monde aux Champs-Élysées? Beaucoup. Beaucoup. Ce sera ainsi jusqu'à la fin de la lune. Et que m'importe la lune? Mais de quoi veux-tu que je te parle? Quand je te dis que je t'aime, qu'on sort de la preuve, tu dis un mot sale. Alors je te parle de la lune. Que veux-tu, Marguerite? Je suis jalouse. Ce que tu m'as proposé tout à l'heure... Ah, nous y revenons. Mon Dieu, oui, nous y revenons. Ce que tu m'as proposé tout à l'heure me rendrait fou de joie. Mais le mystère qui précède l'exécution de ce projet... Mais voyons, raisonnons un peu. Tu m'aimes. Et tu voudrais bien passer quelque temps avec moi dans un endroit qui ne fut pas cet affreux Paris. Ah oui, je le voudrais. Moi aussi, je t'aime. Mais j'en désire autant. Mais pour cela, il faut ce que je n'ai pas. Tu n'es pas jaloux du duc. Voyons, tu sais quel sentiment pur l'uniste à moi. Laisse-moi faire. Cependant. Je t'aime. Voyons, est-ce convenu? Pas encore. Alors tu reviendras me voir demain, nous en parlerons. Comment je reviendrai te voir demain? Tu me renvoies déjà? Bon, tu peux rester encore un peu. Encore un peu? Tu attends quelqu'un. Tu vas recommencer. Marguerite, tu me trompes. Combien y a-t-il de temps que je te connais? 4 jours. Et qu'est-ce qui me forçait à te recevoir ce soir? Rien. Alors laisse-toi aimer, ne te plains pas. Pardon, 1000 fois pardon. Oh, si ça continue, je passerai ma vie à te pardonner. Non, c'est la dernière fois. Tiens, le montre. Ah, la bonne heure. Écoute, viens demain à midi. Nous déjeunerons ensemble. À demain, alors. À demain? À midi. À midi? Tu me jures que tu n'attends personne. Je te jure que je t'aime. Que je n'aime que toi au monde. Adieu. Qui m'eût dit qu'il y a 8 jours que cet homme dont je ne soupçonnais même pas l'existence occuperait à ce point si vite mon cœur et mes pensées. M'aime-t-il d'ailleurs? C'est égal. J'ai l'impression que je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. C'est peut-être d'un mauvais augure. C'est vrai. Nous autres femmes, nous prévoyons toujours que l'on nous aimera, jamais que nous aimons. Si bien qu'aux premières atteintes de ce mal imprévu, nous ne savons plus où nous en sommes. Qu'il entre ? Bonsoir, comte. Bonsoir, chère amie. Comment va-t-on ce soir ? Mais parfaitement. Oh, il fait un froid du diable. Vous m'avez écrit de venir à 10h30. Vous voyez que je suis exact. Je vous en remercie, mon cher comte. Nous avons à causer tous les deux. Avez-vous soupé ? Pourquoi ? Parce que nous aurions été souper et nous aurions causé en soupant. Vous avez faim ? On a toujours assez faim pour souper et j'ai si mal dîné au club. Ah, vous y étiez ? Qu'est-ce qu'on y faisait ? On jouait quand je suis parti. Saint-Gaudens perdait 25 louis, il criait pour 1000 écus. Tiens, il a soupé ici l'autre soir, Saint-Gaudens, avec Olympe. Et qui encore ? Gaston Rieux, vous le connaissez ? Oui. Et puis Monsieur Armand Duval. Qu'est-ce que c'est que Monsieur Armand Duval ? Oh, c'est un ami de Gaston. Prudence et moi, voilà le souper. On a beaucoup ri. Si j'avais su, je serais venu. Vous pouviez. À propos, est-ce qu'il sortait quelqu'un d'ici tout à l'heure, un peu avant que j'en fasse ? Ah non. Non, non, personne. C'est qu'au moment où je descendais de voiture, quelqu'un a couru vers moi comme pour voir qui j'étais, et après m'avoir vu, s'est éloigné. Vous avez besoin de quelque chose ? Non. Non, j'ai un mot à dire à Nanine. Madame. Descends dans la rue. Vois si Monsieur Duval y est. Reviens. Il y a une nouvelle. Ah, laquelle ? Gagouki se marie. Le prince polonais ? Lui-même. Oh, qui épouse-t-il ? Devinez. C'est ce que je sais, moi. Il épouse la petite Adèle. Elle a bien tort. C'est lui, au contraire. Oh, non, mon cher. Quand un homme du monde épouse une fille comme Adèle, ce n'est pas lui qui fait une sottise, c'est elle qui fait une mauvaise affaire. Voyons votre prince urliné, il a une détestable réputation. S'il épouse Adèle, c'est pour les 12 ou 15 000 livres de rente que vous lui avez faites, les uns après les autres. Alors, non, madame, il n'y a personne. Ah, maintenant, mon cher comte, nous avons à parler de choses sérieuses. De choses sérieuses? Oui. J'aimerais mieux parler de choses gaies. Nous verrons tout à l'heure si vous prenez les choses gaiement. J'écoute. Avez-vous de l'argent? On a donc besoin d'argent ici? Hélas, il me faut 15 000 francs. Diable, c'est un joli denier. Et pourquoi juste 15 000 francs? Parce que je les dois. Vous payez donc vos créanciers maintenant? C'est eux qui le valent. Il le faut absolument. Oui. Oui, il le faut absolument. Alors, c'est dit. Madame, on vient rapporter cette lettre pour vous être remise tout de suite. Qui peut m'écrire à cette heure? Vous permettez? Mais oui, chère. Madame répondra. Non. Dis que c'est bien. Va. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Ce que c'est. Ce que c'est. C'est une bonne nouvelle pour vous, mon cher. Vous gagnez 15 000 francs par cette lettre-là. C'est la première qui m'en rapporte autant. Oh, je n'ai plus besoin de ce que je vous ai demandé. Vos créanciers vous renvoient leurs notes acquittées? Non! Ah, c'est gentil de leur part. Non, j'étais amoureuse. Vous? Amoureuse, bah oui. Et de qui, bon Dieu? Oh, d'un homme qui ne m'aimait pas, comme cela arrive souvent. D'un homme sans fortune, comme cela arrive toujours. Et voici ce qu'il m'écrit. Lisez. Ma chère Marguerite. Tiens, tiens. C'est de Monsieur Duval. Il ne me convient pas de jouer un rôle ridicule, même auprès de la femme que j'aime. Au moment où je sortais de chez vous, Monsieur le comte de Giray entrait. Je n'ai ni l'âge ni le caractère de Saint-Gaudens. Pardonnez-moi le seul tort que j'ai, celui de ne pas être millionnaire. et oublions tous deux que nous nous sommes connus et qu'un instant nous avons cru nous aimer. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai déjà quitté Paris. Armand. Il est très jaloux, ce monsieur. Ah, je comprends maintenant l'utilité des 15 000 francs. C'était joli ce que vous faisiez là. Vous m'avez offert à souper. Et je vous l'offre encore. Vous ne mangerez jamais pour 15 000 francs, c'est toujours une économie que je ferai. Oh. Eh bien, allons souper. J'ai besoin de prendre l'air. Il paraît que c'était grave. Vous êtes tout agité, ma chère. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça ne fera rien. Madame, il va chercher un chat. Lequel, madame? Celui que tu voudras, ça ne fait rien, pourvu qu'il soit léger. Voyons, voyons. Eh oui, il faut nous prendre comme nous sommes, je suis comme cela. Oh, je suis habitué à tout cela. Madame aura froid. Non. Pourra-t-il attendre madame? Non, je ne rentrerai sans doute que très tard. Tu dois aller coucher. Eh bien, Coron, venez-vous. Il se passe quelque chose, madame est toute émue. Tiens, voilà Brudon. Marguerite est sortie. À l'instant. Où est-elle allée? Elle est allée souper. Avec Monsieur Giray? Oui. Elle a reçu une lettre d'Armand tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais rien. Oh, et elle va rentrer. Tard, sans doute. Je vous vois y coucher depuis longtemps. Je l'étais, j'allais m'endormir quand j'ai entendu des coups de sonnette redoublés. J'ai été ouvrir et... Madame, j'ai demandé une police, à la fois. Madame est en bas? Oui, madame est dans une voiture. Priez-la de monter, dites-lui, c'est moi qui la demande. Mais madame n'est pas seule dans la voiture. Mais ça ne fait rien, allez. Non. Oh, allons bon. Voilà l'autre qui s'impatiente. Un instant, le diable! Tout à l'heure, vous appellerez. Oh, ces amoureux jaloux, ils sont tous les mêmes. Eh bien, ma chère Prudence, vous m'avez fait appeler? Armand est chez moi. Que m'importe. Il veut vous parler. Et moi, je ne le veux pas. Oh, d'ailleurs, je ne le puis. Il en m'attend en bas, dites-le-lui. Oh, je me garderais bien de lui faire une pareille commission, il irait provoquer le comte. Ça, mais que veut-il? Mais est-ce que je sais? Est-ce qu'il le sait lui-même? Voyons, ma chère, nous savons bien ce que c'est qu'un homme amoureux. Madame désire-t-elle s'appeler? Non, attends encore un peu. Eh bien, que décidez-vous? Ce garçon-là me rendra malheureux. Alors ne le revoyez plus, ma chère. Il vaut peut-être mieux que les choses en restent où elles sont. C'est votre avis? Certainement. Non, Prudence, que vous a-t-il dit encore? Allons, vous voulez qu'il vienne? Mais oui, je vais l'appeler. Et le comte? Oh, il attendra le comte, d'ailleurs, il a l'habitude. Non, il vaudrait peut-être mieux le congédier tout ça. Oui, vous avez raison. Nanine? Madame? Nanine, descend, dire à monsieur le comte de Giray que je n'irai pas souper avec lui, que je suis souffrante, qu'il couvre, fais ce que tu voudras, ça me plaît. Bien, madame. Ah, il ne le fera pas dire deux fois. Prudence, vous resterez ici pendant qu'il sera. Non pas, comme il viendra un moment où vous me diriez de m'en aller, j'aime autant m'en aller tout de suite. Monsieur le comte est parti, madame. Il n'a rien dit? Non, mais il n'avait pas l'air content. Marguerite, enfin! Mes enfants, je vous aime. Eh bien, que me voulez-vous? Je veux que vous me pardonniez. Vous ne le méritez pas. Votre lettre m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et vous, Marguerite, vous ne m'avez pas fait de mal? Si je vous en ai fait, c'est malgré moi. Quand j'ai vu arriver le comte, quand je me suis dit que c'était pour lui que vous me renvoyez, j'ai été comme un fou, j'ai perdu la tête, je vous ai écrit. Mais quand, au lieu de faire à ma lettre la réponse que j'espérais, quand au lieu de vous disculper, vous avez dit à Nanine que cela était bien, je me suis demandé ce que j'allais devenir. Le vide s'est fait autour de moi. N'oubliez pas, Marguerite, je ne vous connais que depuis quelques jours, mais je vous aime depuis 2 ans. Eh bien, mon ami, vous avez pris une sage résolution. Laquelle? Celle de partir. Ne me l'avez-vous pas écrit? Est-ce que je le pourrais? Ah oui, mais il le faut, cependant. Il le faut? Oui, non seulement pour vous, mais pour moi. Ma position m'oblige à ne plus vous revoir et tout me défend de vous aimer. Vous m'aimez donc un peu, Marguerite? Je vous aime. Et maintenant? Maintenant, j'y réfléchis. Ce que j'avais espéré est impossible, alors. Si vous m'aviez aimé, d'ailleurs, vous n'auriez pas reçu le compte, surtout ce mais soir. Mais oui, mais il faut prendre de moi ce qui est bon, laisser ce qui est mauvais, ne pas t'occuper du reste. Non, ce n'est pas ainsi que vous parliez tantôt, Marguerite. Quand vous me faisiez entrevoir quelques mois à passer avec vous, seul, loin de Paris, loin du monde. C'est vrai. Je m'étais dit un peu de repos me ferait du bien. S'il y avait moyen de passer l'été avec lui, tranquillement, au fond de quelques campagnes, ce serait toujours ça de pris sur les mauvais jours. Au bout de 3 ou 4 mois, nous serions revenus à Paris, nous aurions fait une amitié, des restes de notre amour. Oh, c'était encore beaucoup. Car l'amour qu'on peut avoir pour moi, si violent qu'on le dise, n'a pas toujours en lui de quoi faire une amitié plus tard. Mais tu n'as pas voulu. Non, ton cœur est un grand seigneur qui ne veut rien accepter. Eh bien, n'en parlons plus. Tu viens ici depuis 4 jours, tu as soupé chez moi, envoie-moi un bijou avec ta carte, et ça suffira, nous serons quittés. Marguerite, tu es folle, je t'aime. Cela ne veut pas dire que tu es jolie, que tu me plairas 3 ou 4 mois, tu es... Toute mon espérance, toute ma pensée, toute ma vie, je t'aime, enfin, que puis-je te dire de plus? Mais aussi est-ce bien pour cela qu'il vaut mieux nous séparer, dès à présent? Naturellement, parce que toi, tu ne m'aimes pas. Parce que... Tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a des jours où ce rêve commence et je le fais jusqu'au bout. Parce qu'il y a des heures où je suis lasse de cette vie que je mène. Et j'en entrevois une autre. Parce qu'au milieu de notre existence turbulente, nous paraissons heureuses et nous nous envions, en effet. Nous avons des amants qui se ruinent, non pas pour nous, comme ils le disent, mais pour leur vanité. Nous sommes les premières dans leur amour propre, les dernières dans leur estime. Puis nous avons des amis comme Prudence, dont l'amitié va jusqu'à la servitude, jamais jusqu'au désintéressement. Et tout, tout autour de nous n'est que ruine, honte et mensonge. Je t'ai rencontré. Toi, jeune, ardent, heureux, tu comprends l'intérêt que tu prenais à ma santé, ta jeunesse, ton enthousiasme. Tout me permettait de voir en toi celui que j'appelais du fond de ma bruyante solitude. Alors en une minute, comme une folle, j'ai bâti tout un avenir sur ton amour. J'ai rêvé campagne, pureté. Je me suis souvenu de mon enfance. On a toujours eu une enfance, quoi qu'on soit devenu plus tard. Tout ça, c'était souhaiter l'impossible. Un mot de toi vient de me le prouver. Tu as voulu tout savoir, tu sais tout maintenant, laisse. Et tu crois qu'après ces paroles, je vais te quitter? Quand le bonheur vient à nous, nous nous sauverions devant lui? Non, Marguerite, non, ton rêve s'accomplira, je te le jure. Ne raisonnons rien, nous sommes jeunes, nous nous aimons. Ne me trompe pas, Armand. Songe qu'une émotion violente peut me tuer. Rappelle-toi bien qui je suis et ce que je suis. Tu es un ange et je t'aime. Oui? On vient d'apporter une lettre. Ah, oh, mais c'est la nuit aux lettres, alors. De qui est-elle? Monsieur Sombre. Demande-t-il une réponse? Oui, madame. Eh bien, dis qu'il n'y en a pas. Ah. Dis qu'il n'y en aura jamais.